Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Eva Sadoun. Bonjour Julien. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, je le dis pour lancer cette interview. C'est important parce qu'on commence à évoquer le déconfinement, on se rend compte que le retour à la normale, hein, il sera sans doute dans longtemps, voire très longtemps d'ailleurs. Et on ne sait même pas en fait si on a vraiment envie d'un retour à la normale. Ça, on va en parler ensemble et c'est pour ça que pour moi, c'était très important de faire cette interview, même si c'est à distance, même si ce n'est pas dans l'esprit de 2030 Glorieuse qui, à la base, va directement sur le lieu de travail des gens. Mais toi Eva, je voulais échanger avec toi parce que tu as une vision très claire de certains leviers particulièrement impactants pour éviter de tomber dans les travers du monde d'avant. Hein, dans 2030 Glorieuse, maintenant vous commencez à être habitués. Moi je pars à la rencontre de ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et toi Eva, tu as moins de 30 ans si je dis pas de bêtises encore. Hein, et tu as cofondé l'ITA, une plateforme de financement participatif à impact social. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît? Tout à fait, bonjour. Donc j'ai hoché la tête hein, pendant tout ce que tu as dit, même si on ne le voit pas. Donc effectivement, donc j'ai monté l'ITA il y a 5 ans. À l'époque, j'avais 24 ans et mon objectif, c'était modestement de lutter contre la financiarisation et sur ce socle en fait qui est à la base, qui est la colonne vertébrale de l'économie et qui dysfonctionne et qui crée un dysfonctionnement global de l'économie aujourd'hui. Donc l'ITA, très rapidement, c'est une plateforme d'investissement permettant au grand public de soutenir ce qui fera l'économie de demain, donc une économie qui répond à des enjeux de transition écologique, qui iront avec la crise sociale et qui permet à tout à chacun de pouvoir mieux vivre. Et donc concrètement, on a des plateformes web en France, en Belgique et en Italie, bientôt au Luxembourg, où les particuliers peuvent épargner dans ces entreprises, donc acheter des actions ou des obligations, et que l'épargne solidaire soit accessible à tous. Notre mission plus globale, c'est de rompre avec la finance classique et de développer la finance durable. Donc, on le fait à travers l'ITA plateforme. On le fait aussi à travers d'autres outils. On va accompagner les banques aussi dans leur stratégie d'investissement durable. On va travailler avec des banquiers privés pour qu'ils conseillent mieux leurs clients. Et là, très bientôt, on lance une application mobile qui permet à tout à chacun de comprendre les impacts carbone, la transparence et les secteurs qui sont financés avec leur épargne. Parce que la finance, c'est un sujet que les gens se sont peu approprié. Et comme je disais au début, c'est un sujet qui est fondamental pour un monde de demain viable. Donc, il faut que les gens s'en emparent. Ça y est, tu nous as mis tout de suite dans les sujets qui comptent et on est en plein la tête dans le guidon là. Tu nous as parlé de financiarisation de l'économie et du monde, tu nous as parlé de l'impact écologique des banques, tu nous as parlé de plein de choses. C'est du très très sérieux. Hein. L'ITA, on pourrait se dire, mais attends, j'en ai pas vraiment entendu parler. C'est face à des institutions financières qui sont colossales et à la fois, vous, depuis 2014, vous avez quand même déjà permis de collecter plus de 25 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, pour soutenir des projets qui ont du sens. Il y a tout un tas de labels, il y a tout un tas de certifications. Tu peux nous redire à quel point c'est une démarche sérieuse et poussée? Bien sûr. Alors, effectivement, on a collecté 40 millions d'euros depuis 2014. Ah, ça va une vitesse. Pas de souci. Donc, 40 millions d'euros pour financer une centaine d'entreprises à impact positif. On est 45 salariés répartis en France, en Belgique, en Italie. On est la seule plateforme et initiative européenne dans ce secteur parce que pour nous, l'économie de demain, c'est une économie aussi qui est européenne, qui casse les frontières parce qu'on rencontre tous les mêmes problématiques. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu sérieux et fondamental et le travail qu'on fait extrêmement important? C'est parce que derrière, en fait, on a des effets plus forts encore que les 40 millions d'euros qu'on collecte. Parce qu'en accompagnant ces initiatives-là, on permet aux banques de pouvoir leur prêter. Donc, on fait ce qu'on appelle de la création monétaire en faveur de la transition écologique. Et derrière aussi, on travaille avec des fonds d'investissement, des family office et des plus gros investisseurs pour qu'ils accompagnent ces entreprises et qu'ils puissent les financer. Donc, en levier de financement, ça se compte en centaines de millions d'euros. Et on a été aussi désigné par l'Europe et financé par l'Europe pour pouvoir dynamiser l'écosystème de l'entrepreneuriat social en Europe. Donc, voilà, une initiative qui permet vraiment de catalyser ce secteur. Et aussi, on a des programmes associatifs pour démocratiser l'entrepreneuriat social et l'impact investing, un programme qui s'appelle Impact Now, qui est un programme européen et qui permet encore de décupler encore l'impact social de l'État et de sensibiliser plus loin le politique aussi à ces enjeux de transition. Rapidement, pour comprendre la boucle que vous bouclez, d'un côté, il y a des potentiels investisseurs qui peuvent être en fait toi et moi. Tout à fait. Et c'est là la particularité, c'est que jusqu'à maintenant, l'impact investing, donc l'investissement impact positif, était réservé que à certains, que à des grands institutionnels, etc., du coup, qui reproduisent beaucoup les règles de la finance classique, sachant que c'est essentiellement des gens de la finance classique. Et nous, pour nous, la finance à impact positif, c'est une finance qui est citoyenne et qui s'inscrit dans ce qui est pour les gens de l'intérêt général. Donc, on touche vraiment tous les types de personnes. Tout le monde peut devenir investisseur. Quels que soient les moyens financiers qu'on a, donc on peut investir à partir d'une centaine d'euros, ou quel que soit le territoire auquel on appartient. Et de l'autre côté de la boucle, on en a déjà parlé, mais j'aimerais que tu leur donnes de la chair. On a des projets à impact social, des projets qui ont du sens, on a plein d'appellations. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Alors, ça peut être des entreprises, des associations, des coopératives, donc qui peuvent œuvrer en termes d'impact de manière très large. Donc, on utilise les objectifs du développement durable pour qualifier leur impact. Mais très concrètement, ça peut être une start-up for good. Donc, ça veut dire un modèle d'entreprise technologique assez innovant qui permet de répondre à une problématique de développement durable. Un exemple, Roger Voice, qui développe une application mobile permettant aux sourds et malentendants de retranscrire leurs appels en texte. Ça peut être une PME d'insertion, donc qui permet en fait de dynamiser de l'emploi. Ça peut être un projet d'énergie renouvelable. Ça peut être du logement social aussi pour lutter contre le mal logement et avoir des produits immobiliers, entre grandes guillemets, financiers qui permettent de loger des personnes en situation de précarité. Et ça peut être des plus petites entreprises aussi près de chez moi, une boulangerie solidaire, etc. Donc, on essaie d'adresser l'ensemble du tissu économique et de permettre à tout le monde d'y participer. Ouais, c'est très concret et c'est des entreprises qu'on retrouve partout sur le territoire français notamment, mais pas que. Tout à fait, également en Europe, donc Belgique, Italie et Luxembourg bientôt. Ouais, c'est fou hein. Et on sent un vrai dynamisme hein, quand on t'entend et à la fois, on y reviendra tout à l'heure, il y a quand même un peu la notion de David contre Goliath parce qu'il y a le secteur de la finance qui est quand même absolument gigantesque. Tu parlais de dizaines de millions, voire de centaines de millions d'impact, mais en fait, face à vous, il y a des dizaines, voire des centaines de milliards, donc c'est pas du tout la même chose. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai envie de comprendre l'étincelle de cette dynamique absolument extraordinaire hein, que tu arrives bien à retranscrire par ta simple voix, ton récit. Pourquoi vous avez créé l'ITA ? C'est fou, vous sortez d'études, vous êtes des jeunes et vous vous dites, oh bah oui, bien sûr, en fait, on va redresser la finance, allons-y. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2008, donc bientôt, on parlera que de la crise de 2020, la crise du Covid, mais à mon époque, c'était la crise de 2008 qui a provoqué un vrai cataclysme mondial, alors qu'il s'agissait qu'une problématique de finance de marché américaine, en tout cas dans la vision des gens. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait que tout notre système tienne à quelque chose qu'on ne comprend pas et qui n'est pas palpable. Donc j'ai fait mes études en fonction de ça. Même si avant, je voulais plutôt m'engager en politique, je me suis dit que c'était au niveau économique qu'il fallait travailler. Donc j'ai fait des études de maths, des études de business, etc. Même si j'avais un point de vue un peu négatif à la base sur ce monde du business. Et finalement, donc j'ai pu me former dans des ONG de microfinance, dans des banques, pour pouvoir, in fine, c'était vraiment l'objectif, créer un produit qui permettrait, avec mes armes de l'époque, donc quand on a 23 ans, on peut pas forcément prétendre à créer une banque comme si c'est ce qu'on voulait. On a par contre la possibilité de créer une start-up, de créer un modèle intelligent qui permettrait de répondre aux mêmes enjeux pour plus tard et pour que ce petit projet startup devienne une initiative beaucoup plus globale. Et avec Julien, du coup, que j'ai mon associé de démarrage, que j'ai rencontré en classe préparatoire, avec lequel je m'engage déjà depuis une dizaine d'années, on a décidé de monter l'ITA. De par mes expériences déjà en crowdfunding en Inde en amont et de par les siennes également à l'OCDE ou à la Caisse des dépôts sur les finances publiques. En 2008, hein, tu dis ce déclic. Là, on est en 2020. La crise sanitaire peut-être prend un peu plus de place et cache la crise économique. Et à la fois, on se rend compte quand même qu'on est encore et encore et encore dans le même jeu, comme si on n'apprenait rien. Quelques semaines, quelques mois avant l'arrivée du Covid-19 un peu de partout dans le monde et surtout dans nos médias, on commençait à voir que les voyants étaient encore plus au rouge qu'avant la crise économique de 2008 et on ne savait pas quand ça allait exploser, mais on craignait que ça explose rapidement. C'est fou quand même, non ? Bah ouais, c'est fou, mais en fait la crise de 2008, elle était initiée par une autre crise en amont, une crise de transparence, une crise bancaire, une crise économique, et la crise financière n'a été que finalement l'explosion de toutes ces crises et qui montre le dysfonctionnement d'un système. Là, on parle de crise sanitaire aujourd'hui, mais on vit aussi une crise financière et une crise économique en parallèle, qui en fait est questionné par le modèle économique néolibéral qu'on a développé depuis toutes ces années. Et c'est là qu'on le rencontre, en fait. Quand une crise arrive, elle crée un rebond, plein d'autres crises, parce qu'elle suscite et elle met en lumière les problèmes et les dysfonctionnements de notre économie, qui, jusqu'à maintenant, ce qu'on mettait un peu sous la table, qu'on ne voulait pas voir. Mais en fait, un marché financier va réagir de cette manière-là, une manière complètement absurde à cette crise sanitaire, parce que le marché financier en lui-même ne fonctionne pas bien. L'économie va mal réagir parce que justement on a une économie qui dépend beaucoup trop des pays à côté, qu'on n'a pas de filière stratégique suffisamment forte en France, etc. Donc en fait, moi, ces crises-là, plutôt que de les voir, d'avoir peur et justement de vouloir refaire ce qui a été fait avant, moi je pense qu'elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent de nous alerter sur ce qui va arriver et qui sera beaucoup plus gros. Et pour réussir à mettre un petit peu sur le même niveau de compréhension, même si c'est assez difficile de le faire en quelques minutes, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien à quel point le milieu financier il a un impact et il est responsable de quand même de plusieurs mots mondiaux, des mots MAUX. On parle bien d'une crise du secteur financier, mais qui a des conséquences sur l'inégalité de la répartition des richesses. On parle d'externalités négatives générées par les investissements au niveau social, au niveau environnemental. C'est terrible. Plus on creuse et plus on se rend compte à quel point le puits s'en fond. Tout à fait. Alors après, il faut effectivement se rassurer sur le fait que quand on nous dit que les marchés financiers s'effondrent et que ça va avoir un effet, voilà, les marchés financiers réagissent comme des foufous à n'importe quelle information qu'on leur donne. Donc la première information que ça doit nous envoyer, c'est que il faut qu'on ait des marchés financiers qui soient plus résilients et qui soient basés sur des réelles informations d'entreprise et pas sur des messages absurdes qu'on envoie. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a un sujet de répartition de la richesse et qu'il faut un moment se questionner sur le fait que si on s'engage dans une décroissance et dans une récession, il va y avoir moins d'argent d'une certaine manière. Il faut que cet argent du coup soit mieux réparti pour ne pas aller vers un système qui est très précaire. Et ensuite, il faut que les entreprises et que la finance fonctionnent mieux et que cette finance soit vraiment dirigée vers des projets de transition écologique et soit plus long terme. Avec une finance court terme, on ne finance pas une économie long terme et une économie résiliente. Et ça doit vraiment questionner ces principes-là. Et du coup, plutôt que d'attendre les politiques qui, à chaque crise, nous jurent qu'ils vont enfin prendre des décisions pour réguler ce milieu ou d'attendre que les banques se mettent un peu au diapason, enfin, de l'urgence climatique et de l'envie des citoyens d'agir et de voir ces valeurs être portées hautes, vous êtes quand même dit armons les citoyens qui entreprennent et qui ont aussi une épargne à mettre à disposition de la construction des mondes de demain. Oui, parce que le politique réagit quand il voit que c'est possible. C'est pas un inventeur. Le politique, c'est un régulateur. Et du coup, nous, l'idée, effectivement, c'est de montrer que ces entreprises-là sont résilientes, qu'elles savent pivoter, réagir à la crise. On peut prendre, par exemple, l'exemple de 1083, qui, le lendemain de l'annonce de la crise et de la crise de la production des masques, tout de suite a pu transformer sa chaîne de valeur pour pouvoir produire des masques. Et en fait, ça prouve ça aux politiques, et maintenant c'est pour ça qu'on les entend dire qu'il faut une réindustrialisation locale, etc., parce que ça prouve aux politiques que quand on a des filières stratégiques locales, quand on a une entreprise qui est d'intérêt général au niveau local, bah, c'est une force en fait pour un État. Et malheureusement, il faut que ce soit ces entreprises qui le prouvent pour qu'ils puissent en prendre conscience. Donc effectivement, nous on pense qu'on a une action fondamentale de permettre à ces entreprises de vivre, donc on a levé plus d'un million d'euros pour 1083, ce qui leur permet de développer leur chaîne de valeur, pour permettre de prouver ensuite au grand public, aux politiques et au monde économique que ce sont ces modèles qui sont les modèles de demain. Et même en tant que petit pousset dans le milieu financier, vous avez un impact hein, sur les grands du secteur. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, on inspire. En fait, on a souvent l'impression que les entrepreneurs sociaux, finalement, leur action est assez limitée. En fait, non, parce qu'ils ont une capacité d'influence assez énorme dans le milieu classique. Nous, on échange avec des grands comptes et en faisant ça, on les fait pivoter. Quand 1083 transforme sa chaîne de valeur, ça inspire un Hermès, ça inspire une grosse entreprise pour montrer comment est-ce que justement on pivote et on peut prouver qu'il y a des modèles plus intéressants. Donc, en fait, je pense que la capacité d'influence des entrepreneurs sociaux est souvent sous-estimée par eux et qu'on peut avoir un très gros impact. Et on se rend compte que même on a des accès assez hauts hein, dans le milieu politique aujourd'hui quand on mène notre plaidoyer. Et même dans le milieu de la finance, hein, je constate que vous avez presque aussi un rôle de lobbying hein, que vous assumez pleinement. Tout à fait. Dans le milieu financier, donc là qui est plus le travail de l'État, effectivement aujourd'hui on échange avec les COMEX des grandes banques et on se rend compte que c'est en montrant qu'on peut avoir un effet fort. Et là je le vois avec également ce qu'on est en train de mener avec le projet d'application mobile qui analyse l'impact carbone des banques. Quand elles ont entendu parler de ce projet, on a reçu des messages de partout, hein, des grandes institutions financières nous disant comment est-ce qu'on fait pour que ces outils puissent nous aider aussi nous-mêmes dans notre transformation et qu'on puisse ne pas rater le tournant de la finance climatique et que ce soit un projet qui nous permette vraiment de nous transformer. Donc on se rend compte qu'ils sont prêts, qu'ils savent pas encore vraiment comment faire et que les directions RSE doivent aussi prouver à leur management que ça va avoir un impact très fort en termes de communication et auprès de leurs clients pour pouvoir engager un vrai projet de transformation. Ouais, parce que c'est pas que blanc ou noir, hein. C'est pas les grands méchants loups contre la petite communauté de gentils. Ce matin, j'entendais le dirigeant du Crédit Mutuel Groupe CIC, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'en tant qu'assureur, ils allaient prendre des risques pour soutenir l'économie, mais qu'eux aussi, ils voulaient complètement revoir leur manière d'adresser une crise qui est bien plus grande que la crise que nous vivons sanitaire actuellement, c'est-à-dire la crise climatique, en conditionnant leurs futurs investissements dans des projets qui soient vraiment vertueux. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a un rôle aussi, parce que les banques répondent aussi à la réglementation. Donc c'est là qu'aussi il y a une limite au niveau économique et que l'État, il est fort, il peut avoir un impact fort. Une banque, elle a des ratios, elle répond à des demandes des banques centrales, des demandes de l'État, etc., pour vraiment simplifier le propos. Et si ces demandes-là de l'État ne sont pas dans le sens d'une empreinte écologique plus faible et d'une vocation d'intérêt général, les banques ne pourront pas réagir. Donc il faut que l'État, en fait, que la BCE impose quand elle met en place des liquidités, que ces liquidités-là soient en faveur d'une transition écologique et sociale forte. Et c'est pas les contraindre, c'est plutôt les accompagner dans cette transition-là. Et que oui, on peut sauver les banques, on sait qu'elles sont too big to fail, parce qu'on ne peut pas les détruire, ça aurait un impact extrêmement fort sur la vie des gens, donc on ne peut pas aller dans ce sens-là. Par contre, il faut les transformer, et c'est aux politiques et à l'Europe de les accompagner dans cette transition aussi. Oui, en général, on dit dans la consommation qu'il y a vraiment ce triptyque, cette boucle vertueuse, individu, entreprise, État, et là, ce que tu es en train de dire sur le monde de la finance, c'est exactement la même chose. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, et on ne pourra pas amener une révolution d'ampleur si chacun de ces acteurs est engagé pleinement. Exactement, tout à fait. Nous, notre rôle, c'est de mobiliser les citoyens et d'inspirer l'entreprise et le politique. Et le politique, c'est d'être courageux, d'être vraiment courageux sur le fait que le monde de demain ne pourra pas se faire autrement. J'écoutais encore un podcast de Jean-Marc Jancovici qui montre vraiment que en fait, résoudre les enjeux climatiques, c'est s'assurer d'une économie qui fonctionne dans 30 ans. Donc, à un moment, il faut aussi être intelligent au niveau économique. Donc, ça demande du courage des dirigeants actuels. des décideurs et des dirigeants d'entreprise. Et on a besoin de l'étincelle citoyenne qui est souvent quand même celle qui va permettre de faire apparaître un feu durable et soutenu. Tout à fait, pour que le citoyen prenne conscience et inspire et valide la décision. Parce que souvent, ce qu'on entend des banques quand on leur demande de transformer leurs produits, ils nous disent « mais les gens veulent du 15, 20%, 30% par an ». Oui, enfin ils veulent parce qu'ils ne comprennent pas en fait, et que tant qu'à faire, quitte à ne pas comprendre autant que ça leur apporte. Donc c'est aussi le rôle effectivement du citoyen de se responsabiliser pour pouvoir permettre à ces acteurs de se transformer aussi, bien sûr. La transition est parfaite puisque en fait on parle de responsabilisation des citoyens, je crois, moi, en plus que dans le passage à l'action, on a la nécessité d'ouvrir des caps d'utopie réaliste, des caps enthousiasmants qui donnent à voir le monde comment il pourrait être. C'est ce qui nous motive ensuite à passer à l'action, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que ce podcast existe, hein, 2030 Glorieux. C'est l'idée de se dire, bon voilà, levons un tout petit peu la tête, regardons à quoi pourraient ressembler nos mondes en 2030, dans 10 ans seulement. Et moi, je voulais, avant de passer à ce jeu où on voyagera ensemble en 2030 Glorieuse et dans le secteur de la finance, mais pas que, j'aimerais que tu essayes de dépeindre avec moi à quoi pourrait ressembler un peu un monde pas idéal, mais en tout cas beaucoup plus tourné vers le vivant. J'aimerais qu'on marque une pause et, comme d'habitude, l'invité nous fait un cadeau, celui de nous offrir une bulle d'inspiration à travers la littérature, un roman, un essai. Et donc toi, du coup, tu es venu avec un bouquin que tu aimerais nous lire, enfin en tout cas un passage que tu aimerais nous lire. Donc moi, à la base, je suis très, très essai, très philo. Et là, j'ai décidé un peu de nous envoler plutôt à travers le travail d'un romancier qui s'appelle Eri De Luca, qui est un romancier italien qui vit près de Rome et qui est un écrivain extrêmement important de sa génération et qui a écrit un livre qui s'appelle Trois chevaux. Parce que la vie d'un homme, en fait, dure la vie de trois chevaux et qui parle de réinvention totale de soi et de comment est-ce qu'on répond à une dictature et à la barbarie avec une réponse douce. Il montre que malgré la barbarie, en fait, on doit avoir une réponse qui est dans le sens de la nature et surtout qu'il montre la capacité de réinvention totale de l'homme à travers le récit du coup d'un jardinier qui revient d'Argentine, qui a lutté avec sa femme contre la dictature et que sa femme a été tuée du coup par les forces armées. Il revient en Italie et il se réinvente complètement et il raconte ça avec poésie, donc c'est pour inspirer aussi avec poésie un futur souhaitable. C'est l'aube dans le train qui m'emmène en ville. L'obscurité cède en un point et blanchit. Peu de lumière pour lire, la voiture est vieille, elle grince, elle secoue. Je regarde les terres, je pense au jardin. Cultiver des arbres donne beaucoup de satisfaction. Un arbre ressemble à un peuple plus qu'à une personne. Il s'implante avec effort, il s'enracine en secret. S'il résiste, alors commencent les générations de feuilles. Alors, tout autour, la terre l'accueille et le pousse vers le haut. La Terre a un désir de hauteur, de ciel. Elle pousse les continents à la collision pour dresser des crêtes. Elle se frotte autour des racines pour se répandre dans l'air par le bois. Si elle est faite de désert, elle s'élève en poussière. La poussière est une voile, elle émigre, elle franchit la mer. Le sirocco la porte d'Afrique, elle vole des épices au marché et en assaisonne la pluie. Le monde, quel maestro ! Telles sont les pensées qui brinquent dans la tête d'un passager dans un train. Moi, avec mes combes de jardinier et l'agage, semis, prévision de floraison et de fruits, j'ai l'air de l'œuf qui apprend à la poule. Que survienne un crachat de grêle, une vitre de gelée, et te voilà servi, monsieur Desjardins. Je vois les choses comme ça. Le travail n'est rien, juste un salaire. Ce qui compte, c'est d'avoir la tête entre les pieds, le visage au ras du sol pour s'occuper d'en bas. Ce qui compte, c'est de pallier la nuque vers la terre, d'avoir pour elle plus d'attention que pour les hommes. Ainsi, pour le temps qui reste, il est bon d'avoir affaire aux autres, de se comprendre à fleur de visage, de se raser pour une femme, de combattre toute violence. J'ai plus de vie passée à regarder la terre, l'eau, les nuages, les murs, les outils que le visage. Et je les aime. À présent, j'erre sur celui de Layla, ses pommettes astiquées comme des cuivres, une bouderie des lèvres, des tailles mal assorties. Quand j'y pense, je n'arrive pas à retenir un visage de femme tout entier. Voilà, j'ai trouvé qu'en fait ce passage il était très beau parce que en fait il montre que la nature fonctionne comme la société et que si on ne suit pas un rythme naturel, enfin on fait dysfonctionner une société. Et surtout il permet de re-regarder les hommes comme des et les humains et les femmes comme des éléments naturels et d'y mettre en fait l'amour qu'on mettrait dans une femme ou un homme aussi pour la société. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très poétique. J'espère que ça vous a donné envie de lire ce roman. Ça l'est, Eva, c'est très poétique. On mettra le lien dans tout ce qu'il faut sur les différentes plateformes pour que les gens puissent creuser et se procurer ce super livre. C'est vraiment une belle bulle d'inspiration, exactement ce que j'avais en tête au moment de proposer cet exercice. Pas évident, hein. En général, les gens me disent, mais attends, la dernière fois que j'ai lu à voix haute, j'étais en primaire ou au collège. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Et en même temps, il y a tellement de choses que tu fais passer et tu sollicites d'autres intelligences qui sont malheureusement trop souvent mises en sommeil. Donc je te remercie pour ça. Et c'est particulièrement important puisque nous, les Français, je ne sais pas si tu partages mon constat, mais je trouve qu'on n'a pas été habitués à laisser vibrer nos émotions, ces types d'intelligence-là, et encore moins notre imaginaire pour laisser de la place à l'optimisme, à une envie d'un monde meilleur. Souvent, dès qu'on se prend à rêver, on nous traite de bisounours et ça y est, on referme la parenthèse. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce podcast, il est tellement nécessaire. Je sais que c'est pas évident. Je sais que de temps en temps, on est un peu précautionneux sur ces envolées qu'on pourrait prendre. Et là, en l'occurrence, partir en 2030 glorieux, c'est le cas. Donc voilà, je te le dis. Ce qu'on va dire n'engage que nous. Et à la fois, c'est juste un cap qu'on propose. C'est un exercice. Je pense que personne ne nous en tiendra rigueur si jamais en 2030, le monde ne ressemble pas exactement à l'exercice qu'on va faire. Et c'est parti, quoi. On y va? C'est parti. Si tu fermes les yeux, Eva, que tu te projettes dans ces utopies réalistes, là, ça y est, ta chaise a bougé, on est parti en 2030 glorieuses. Tu rouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? Alors, les 2030 glorieuses, déjà, je vois de la Terre, naturellement, parce que je pense à un cerf, et je vois des hommes qui travaillent ensemble. Donc, je pense que déjà, il faut se baser sur l'utopie pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on développe les outils au service de l'utopie, qui pour moi est une utopie qui est assez réaliste. Donc, je pense qu'il y a un vrai, déjà, retour à la Terre et une vraie solidarité à remettre en place entre les hommes, si on veut, et les hommes et les femmes, si on veut un 2030 glorieuse. Je vois également, du coup, un système derrière qui est fait pour ça. Un système financier, bien sûr, parce que c'est mon sujet, donc qui permet en fait au flux de servir uniquement ce travail de la terre et cette solidarité entre les hommes, parce que finalement tous les indicateurs économiques qu'on voit, qui nous semblent extrêmement nébuleux, sont peu en face de cette réalité. Donc moi je vois une disparition en fait totale du PIB pour regarder vraiment en fait l'économie sous l'angle de l'intérêt général et du bien vivre des citoyens. Je vois aussi une économie européenne. Je crois beaucoup à ce modèle qu'on veut créer, qui montre des solidarités et qui permet de nous faire tous grandir. Voilà. Et puis je vois surtout beaucoup d'intelligence et de réflexion offerte à tout le monde. Je pense qu'il faut que la citoyenneté, que les matières douces, comme on dit, soient enseignées à tous, si on veut permettre à tous de construire comme nous, ce futur souhaitable, et que ça s'intègre dans les pensées, dans la pensée collective et non pas dans la pensée de certains intellectuels. C'est complètement révolutionnaire, hein. Il y a 10 ans en arrière, je ne sais pas si tu te souviens, Eva, la croissance, le PIB et l'argent, c'était des fins. C'était ce qui validait la réussite de notre société. Comment on a réussi à en refaire des moyens ? En fait, en réalisant qu'ils sont complètement décorrélés de la réalité. En fait, les gens étaient pro-croissance, pro-progrès, dans la mesure où ça allait leur permettre de consommer, de mieux vivre, de s'émanciper de leurs conditions, etc. Et en fait, on voit que cette croissance, elle permet pas du tout l'émancipation parce qu'elle recrée les inégalités, elle les creuse. Et on voit que cette croissance, elle n'est pas forcément du PIB, du revenu brut aussi de certaines entreprises, n'est pas forcément à l'image d'une progression de nos économies, un soutien de nos économies, de nos agriculteurs, etc. Donc effectivement, là, le but, c'est pas d'arrêter complètement de mesurer, mais c'est de mieux mesurer et de mesurer des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs financiers, qui eux-mêmes reposent sur une analyse qui n'est même pas une analyse de performance économique. Donc en fait, on a le même objectif au final, de s'émanciper et de permettre d'être épanoui économiquement dans notre société, mais on questionne aujourd'hui ces indicateurs-là. Est-ce que ça passe absolument, c'est passé absolument par la nécessité de se ressaisir du mot croissance. En 2020, on mettait dans l'air le mot croissance et je pense que 90% des gens le liaient obligatoirement à une croissance économique, une croissance financière. Est-ce que en fait, on ne devrait pas plutôt réussir à parler de croissance avec un S et de croissance du lien, de croissance de la solidarité, de la créativité ? Ou est-ce que en fait il faut carrément réinventer ou réutiliser d'autres mots, utiliser un autre vocabulaire pour montrer tout ce qu'on a à gagner et faire en sorte que notre énergie se concentre sur d'autres victoires, progrès, je sais pas comment les appeler. Bah déjà la croissance elle n'existe plus depuis longtemps. En fait, les chocs pétroliers et la fin des Trente Glorieuses ont marqué la fin de la croissance. C'est juste qu'on a recréé une fausse croissance, une illusion de croissance, notamment grâce à la financiarisation, qui en fait montre une augmentation, une croissance, mais qui est fictive en fait, qui est une croissance qui est créée. Donc déjà, pour moi, la croissance, ça doit être une vraie croissance, pour commencer. J'oppose la croissance à l'hypercroissance et effectivement, je change le terme de la croissance pour le penser, pas que d'un point de vue effectivement économique, mais en fait, plutôt que croissance, moi, je dirais juste bien-être de notre économie, bien-être de nos personnes, bien-être de notre terre. Parce qu'en fait, dans le mot croissance, il y a une logique exponentielle qui va devoir être quantifiée, mesurée, mathématisée à outrance et qui va du coup poser problème parce qu'on va vouloir forcément créer des mécanismes qui vont nous soumettre à une illusion de croissance encore une fois. Donc voilà, moi je pense que la croissance devrait être un terme qui disparaît au profit de bien-être, l'intérêt général et de limiter au maximum les écarts et de richesse et la destruction de la valeur et que les pays qui arrivent le mieux à le faire sont les pays qui comptent quoi. Et qui sont les plus résilients, même d'un point de vue économique au final. On change complètement de récit. Hein. Dans l'histoire, on montrait l'être humain comme un explorateur, comme quelqu'un qui était capable de repousser des frontières au début terrestre, et puis maintenant des frontières qui sont sans cesse repoussées dans l'univers. Là, tu es en train de nous dire que 2030 Glorieux, c'est aussi accepter nos limites. Oui, mais moi je suis... Je fais partie du courant écoféministe et je pense que le patriarcat a été un modèle de société, de volonté de l'homme de dominer la nature et de la dominer de manière violente et que c'est pas un projet viable de société. Et que au-delà de l'essence et de la nature, il y a quand même ce sujet de se reconnecter avec qui on est et de ne pas vouloir utiliser la technique pour dominer la nature. Qu'est-ce qu'on a à prouver ? Et on doit vivre en communion avec cette nature et avec notre essence. Et c'est ça, pour moi, le futur souhaitable. Donc remettre la part de féminité que nous avons chacun en nous comme une des valeurs phares de notre société. Oui, sans vouloir effectivement tomber dans les problématiques hein, qui étaient souvent accusées par les mouvements féministes aux écoféministes, qui est de dire que la femme justement a été a été dominé parce qu'on l'a limité à son essence naturelle et à sa biologie. Mais c'est pas ça que dit le mouvement. C'est effectivement que le mouvement écoféministe a son nom parce que il a réagi au patriarcat. Mais au final, le seul message à entendre, c'est que on est tous nature et qu'on doit agir en lien avec cette nature et pas en opposition. Il y a 10 ans en arrière, en 2020, en plein milieu de la crise, il y a de plus en plus de personnes qui montraient que souvent il y avait un lien assez fort entre les États qui réussissaient à s'en sortir le mieux possible ou le moins pire possible et le fait que c'était des États qui étaient gouvernés par des femmes. Est-ce qu'on a réussi à en tirer une expérience, une sagesse de cet état de fait, et est-ce que les femmes ont plus de place en 2030 glorieuse dans les décisions, que ce soit à l'échelle nationale, européenne, mais même plus locale? Ce qui est sûr, je ne sais pas si c'est lié si c'est une question de genre, mais ça l'est devenu naturellement de par la construction et la culture et l'éducation qu'on a reçue. Bien sûr. Moi, les 2030 glorieuses, c'est déjà une société dans laquelle tout le monde est représenté. Parce qu'au-delà de la question des femmes, il y a la question des minorités, il y a la question des différences culturelles, idéologiques, etc. Et déjà, c'est 2030. Donc effectivement, quand il y a des femmes, il y a déjà l'intégration d'une nouvelle manière de voir, parce que on est aujourd'hui victime de la construction sociétale et de notre éducation, même si c'est pas une question forcément d'essence, mais on est victime de ça. Et effectivement, les 2030 glorieuses, c'est celles qui intègrent une vraie diversité de points de vue. Parce que le compromis mènera vers un équilibre et une harmonie beaucoup plus forte que celle où c'est effectivement un milieu dominant qui demande au reste du monde de se plier à ses envies, quoi. Est-ce que cette acceptation de la différence et de changer de manière de voir cette différence, tu parlais de handicap, de différences culturelles, religieuses, ou en tout cas c'est ce que j'ai entendu dans ton intervention, est-ce que la nécessité de voir ça comme une richesse, ça aussi passe dans la construction de 2030 glorieuse? Pourquoi je te dis ça? Parce que là, pas plus tard qu'il y a 10 ans, un matin, je lisais dans le journal une étude qui commençait à avancer le fait que la mixité génétique était sans doute une protection supplémentaire face au virus, et que les gens qui étaient métis étaient peut-être un peu plus forts et un peu plus résilients face au virus. Comment réussir à montrer que la différence est une richesse plutôt qu'une faiblesse? Est-ce qu'on a réussi à complètement revoir notre manière de penser? C'est marrant, ça montre encore que la biologie, et c'est vraiment en lien avec le récit de Éric de Luca, hein, que j'ai lu, que en fait la nature nous montre souvent ce qui est bon d'un point de vue sociétal. Cette richesse, en fait, on vit dans un monde divers. Et en fait, quand on impose à cette diversité d'acteurs de se conformer à un récit, ça ne fonctionne pas. Et qu'en fait, il y a naturellement un récit qui est collectif, donc il faut s'y contraindre. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à l'harmonie. C'est tout. Donc ça veut dire que même là, nous, on nous habitue à une monoculture de nos vies, chacun dans des boîtes, chacun dans des cases, chacun avec des personnes qui nous ressemblent. En fait, il faut vraiment suivre cette nature jusqu'au bout, dans une permaculture et dans des interconnexions et dans la recherche de la différence. Tout à fait, parce que ça va nous changer. En fait, au final, si on va finir par avoir par tous se rassembler, en fait, en termes de vision, en termes d'idéologie, même si on a toute notre diversité, si on s'entoure. D'un point de vue sociétal, et c'est comme ça qu'on réinvente les modèles, et c'est comme ça qu'on voit dans le milieu économique qu'on réinvente beaucoup les modèles. C'est souvent des personnes qui viennent d'autres milieux et qui apportent leur touche à ce modèle-là. Dans le milieu financier, c'est le cas. On voit que les différentes cultures font la finance de manière différente, et c'est extrêmement intéressant quand on regarde la finance islamique, quand on regarde la finance chrétienne, quand on regarde la finance en circuit court, beaucoup plus écologique, quand on regarde la finance dominante, en fait, on retrouve des ethos à chaque fois. Et en fait, c'est en rassemblant ces différents courants qu'on arrive à monter un projet qui est fédérateur et qui est en lien avec chacun. Juste pour terminer, on va revenir un peu à toi, Eva, en 2030 Glorious, qu'est-ce que tu fais? En 2030 Glorious, c'est dans 10 ans? Ouais. moi, j'espère que dans 10 ans, j'aurais pu permettre à la finance européenne de se transformer, parce que là on le voit, hein, je me permets juste de citer ça parce que on travaille beaucoup dessus en ce moment, hein, que BlackRock qui est l'acteur dominant d'un point de vue des énergies fossiles a été choisi par l'Europe comme celui qui définirait, qui travaillerait sur les règles environnementales du secteur bancaire, ne me rassure pas. Donc là, j'espère déjà qu'en 2030 glorieuse, ça aurait été l'histoire ancienne et on parlera de ce combat. Oui, on aura réussi à acter le Real Green New Deal. Ouais, bah clairement, qu'on aura acté ça cette année, et que du coup, on aura permis à toutes les initiatives, aux banques de se transformer, aux entreprises également, de pouvoir être mieux accompagnées, de recréer des circuits courts partout. Et moi, dans 10 ans, je pense que dans 10 ans, quand l'économie aura compris, quand le secteur sera transformé, l'enjeu sera politique. Et peut-être que je souhaiterais m'y engager plus, même si j'aimerais ne pas avoir à passer par là. Je pense que, en fait, les entrepreneurs sociaux, dans 10-15 ans, quand ils auront montré que leur modèle fonctionne, pèse et est résilient, passeront au niveau politique pour que le projet sociétal du futur suive, parce qu'il y a un sujet aussi au niveau des institutions qu'on va devoir travailler. Parce que les institutions qu'on a sont super, les institutions de la République, mais il y a certains sujets à revoir pour que ce soit encore plus démocratique et que les hommes et l'environnement et l'intérêt général aient encore plus sa place et que l'État redevienne ou soit ou est, je ne sais pas en fonction hein, de ce qu'on pense, mais soit vraiment une boussole de l'intérêt général. T'es pas parti pour ralentir. Hein. Moi, je te connais déjà comme une personne étant à 1000 à l'heure. Je crois que dans 10 ans, tu seras toujours à 1000 à l'heure. Il y a moyen. Bon, alors, on a fait cet exercice dans 10 ans, c'est passionnant comme tu arrives à passer de finance à différence, à écoféminisme, à politique. C'est un chemin passionnant qu'on a parcouru avec toi, Eva, je t'en remercie. La route, elle est toutefois encore hyper longue, hein, et on le voit, il y a des signaux forts, il y a des signaux faibles, il y a des signaux encourageants, il y en a qui sont carrément démoralisants. Cet exercice-là, il tente juste de proposer un cap. On va vite être rattrapé par le quotidien. Les personnes qui nous écoutent, là, elles se sont dit waouh, bien sûr, forcément. Et demain, elles vont revenir je sais pas, la nécessité d'aller faire les courses, à leurs soucis professionnels, etc., etc. Du coup, ma dernière question, Eva, c'est quel est le premier pas que tu suggérerais à tous ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent pour marcher vers ces utopies réalistes qu'on a dessinées ensemble? Je veux pas que ça paraisse commercial parce que c'est pas le cas, mais moi c'est l'acte. Nous avec l'ITA, on développe un acte qui permet aux gens de s'embarquer là-dedans. Parce qu'en devenant actionnaire d'une entreprise à impact sociétal sur la plateforme ou en soutenant ses initiatives directement, quels que soient les moyens qu'on y met, on commence à faire partie de ce monde. Et de cette économie, et on voit les gens taper sur le milieu économique, mais en fait c'est en faisant partie qu'on a le monde économique de demain qu'on veut. Donc devenez partie prenante de ceux qui vous rebutent pour pouvoir le changer. Merci Eva. Et voilà, ce temps d'échange avec Eva Sadoun se termine. Je suis très content de vous avoir donné la possibilité de rencontrer Eva. Je pense que vous l'avez entendu, hein, elle a un dynamisme fou. Eva, elle m'impressionne parce que à même pas 30 ans, elle a décidé ni plus ni moins avec de l'aide, hein, pas toute seule, mais de complètement dynamiter la finance, de lui donner du sens et pas à une échelle locale, hein, même pas nationale, non, carrément européenne. Et je pense que dans cette ambition, il y a la réussite de son projet. En fait, c'est en ne se mettant aucune limite qu'on arrive à faire des choses complètement folles. Et je suis persuadé que sur le papier, au début, quand elle s'est lancée, il y a plein de gens qui lui ont dit « Mais t'y arriveras jamais, ma pauvre. Qu'est-ce que t'y connais? Qui t'es, toi? Et puis ta jeunesse ?» Et puis, alors qu'en fait, là, son expérience de ces dernières années montre à quel point on peut avoir un impact extraordinaire quand on en a réellement envie, quand on s'en donne les moyens. Et je pense qu'en plus, on va continuer à entendre parler de l'ITA pendant de nombreuses années et qu'ils vont réussir à être un des acteurs majeurs de cette finance qui a du sens, de cette finance qui a du cœur, de cette finance qui sert à être un fluide qui vient alimenter des alternatives vraiment vertueuses. Et je pense que c'est Eva, elle fait partie de ces personnes à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de l'ITA. N'hésitez pas à vous ressaisir du pouvoir que vous pouvez avoir avec votre argent, notamment en devenant des investisseurs et en vous impliquant dans des projets qui vous sont chers et qui portent des valeurs que vous partagez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de 2030 Glorieuse et prenez soin de vous. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !